Beau, le monde est si beau, oui tellement beau, il est encore mieux vu d'en haut. Le monde est si beau, oui tellement beau, faisons tout pour qu'il reste beau. Un millier de montgolfières, des centaines de cerfs-volants qui s'agitent dans le ciel, rejoignez-nous, il est temps. Barba, papa, croustillon, on ne pourra pas tout manger, mais seulement c'est tellement bon qu'on va quand même essayer. Alors promenez-vous main dans la main, à chanter sans même penser à recouverte de diamants. Tout à coup l'école s'arrête, personne ne trouve ça gênant. Tout le monde se couchera très tard, c'est comme ça les jours de fête. On prépare tous les pétards et les fusées et les trompettes.